non-respect d'une clause de médiation. Bon à savoir, lorsqu'une action en justice a été introduite en violation d'une clause de médiation préalable et obligatoire liant les parties, il n'est pas possible de régulariser cette action en mettant en œuvre la conciliation au cours de la procédure d'appel. En pratique, les parties à un contrat doivent vérifier avant de saisir le juge que le contrat ne contient pas de clause de médiation ou de conciliation préalable. À défaut, une fois l'instance engagée, il est trop tard. Si l'irrecevabilité est soulevée, le demandeur n'aura d'autre solution que de se désister de l'instance en cours, de mettre en œuvre la procédure de médiation et d'engager une nouvelle procédure en cas d'échec de celle-ci.